Cet épisode de podcast a été réalisé dans le cadre du Forum des ruralités engagées, pour échanger avec les nouveaux acteurs du développement local et découvrir les initiatives solidaires et ingénieuses qui germent dans les territoires ruraux. Cet événement a été organisé par Village Vivant, en partenariat avec l'AVIS, l'Agence d'ingénierie pour entreprendre autrement, et le RTES, le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Malheureusement, le forum n'ayant pu se tenir en présentiel en raison de la crise sanitaire, la majorité des ateliers ont été dématérialisés en visioconférence. Les témoignages prévus initialement ont, quant à eux, été enregistrés par la Traverse. Nous vous les livrons aujourd'hui au travers de ce podcast. Nous y tendons le micro à des porteurs de projets locaux qui œuvrent à faire vivre les territoires ruraux. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous rencontrons Guillaume Dubourg, un boulanger itinérant qui propose ses pains bio et locaux dans quelques communes d'Isère et qui tente d'y recréer de la vie sociale à travers des marchés. Nous avons parlé de l'intérêt de l'itinérance en milieu rural, de soutien à l'agriculture locale et de pétrissage. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, alors je m'appelle Guillaume, j'habite dans le centre de l'Isère, dans un petit village et... J'habite dans une petite cabane, j'ai choisi ce mode de vie pour aller dans le sens de la décroissance et de la sobriété heureuse, on va dire. Et depuis maintenant, c'est la troisième année, j'ai créé la boulangerie itinérante parce qu'il me semblait bien de soutenir l'agriculture biologique et de nourrir les gens correctement. Voilà, suite au fait que moi, j'aime beaucoup ce type de pain depuis plusieurs années. Et est-ce que tu peux nous présenter le territoire sur lequel tu vis ? Donc en fait, là où j'habite, c'est une ancienne vallée glaciaire. Donc ça s'appelle la plaine de la Bièvre. Maintenant, c'est une grande plaine agricole. Hein. C'est l'agriculture intensive, essentiellement de maïs. Et puis de chaque côté de cette vallée, il y a donc les anciennes moraines glaciaires. Hein. Ça fait des collines, en fait. Assez boisées, globalement, mais pas partout. On était censé se voir au Forum de la ruralité engagée. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi, tu définirais la ruralité ? Alors, la ruralité, moi, j'ai l'impression que la ruralité, c'est le fait de vivre à la campagne et le fait d'y vivre complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je constate que dans les villages qu'il y a autour de chez moi, notamment, hein, mais pas uniquement, dans la région, on va dire, il y a beaucoup de gens qui vont travailler tous les jours très loin et de plus en plus loin. Peut-être parce que les loyers sont moins chers, ça les oblige à prendre la voiture, à se déplacer. Et souvent, ils vivent vraiment la plus grosse partie de leur vie en ville, quoi. C'est-à-dire qu'ils habitent à la campagne, mais à part ça, ils vont travailler en ville, ils font leurs courses en ville et ils participent peu à la vie dans les campagnes. Et justement, la ruralité, c'est peut-être ça, c'est peut-être le retour vers les campagnes. Non seulement y vivre, mais aussi y travailler, y faire ses courses, enfin y être complètement, quoi. Et comment tu définirais l'engagement, d'autant que tu présentes ta boulangerie comme une boulangerie militante ? Oui, donc j'ai voulu une boulangerie militante. Je voulais pas faire une boulangerie comme toutes les boulangeries, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de soutenir, de promouvoir l'agriculture biologique parce que c'est une agriculture qui va protéger la terre, en tout cas qui ne va pas l'agresser. C'est aussi une agriculture qui va protéger la santé des cultivateurs et puis celle de leurs enfants, celle de mes enfants, celle de tous les enfants de la terre, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et puis, je voulais aussi une boulangerie qui soit capable de redonner un petit peu de la vie dans ces villages dans lesquels il ne se passe plus rien. Et voilà, mettre un peu d'animation dans ces villages. Donc, circuler dans plusieurs villages et puis être là, présent une fois par semaine pour faire sortir un peu les gens de chez eux, les faire se rencontrer. C'est arrivé souvent qu'il y en a qui fassent la queue devant la boulangerie itinérante et puis qui disent, tiens, c'est sympa parce qu'on est voisins et on ne se voit jamais. Et puis là, devant la boulangerie, ben, on se croise et on discute et c'est super. Voilà, c'est un petit peu ça les engagements de la boulangerie itinérante. En fait, c'est vrai que créer un projet comme celui-là, c'est justement être dans la vraie vie. C'est pas juste s'informer, lire des choses ou aller manifester pour un monde meilleur, ce qui est très bien. On a besoin de tout le monde hein, dans ce combat-là. Mais être vraiment dans l'action, dire voilà, moi je milite, c'est vraiment une forme de militantisme, hein, de dire ben, moi je suis là, c'est pas que du blabla. C'est pas que être écolo ou défendre la ruralité. J'ai décidé d'habiter à la campagne, j'y habite et j'y crée mon propre emploi, ma propre activité. Voilà, c'est ça aussi. Justement, est-ce que tu peux nous présenter ta boulangerie et nous raconter son histoire ? Alors, la boulangerie itinérante, ouais, c'est une petite maison en bois sur roue qui se déplace dans plusieurs villages autour de chez moi. Donc, je vais pas très très loin. Le village le plus loin, il doit être à 15 km. Donc, je fais un circuit chaque semaine. Alors, vu de l'extérieur, ça ressemble à une petite maison. Ça fait 6,50 m de long à peu près. Je la tire avec un fourgon. Et à l'intérieur, c'est à la fois un atelier, puis à la fois l'endroit où je vends le pain quand j'ai fini de le faire. Alors, quand j'arrive dans un village, en général, je m'y installe la veille pour être prêt le matin, parce que je démarre entre la journée de travail, elle commence entre 3h et 5h du matin. Et donc à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc je pétris à la main, donc il y a un pétrin en bois vraiment à l'ancienne. Hein. Je pétris tout à la main, à l'huile de coude. Il y a un four qui fonctionne au bois, il y a un petit coin pour faire la plonge. Bon, il y a un frigo pour conserver le levain ou quelques trucs qui ont besoin d'être conservés au frais. La boulangerie est alimentée en lumière, enfin, et pour le frigo, avec un système photovoltaïque. Donc, j'ai deux panneaux solaires et puis une petite installation qui va avec. Voilà, dans le fourgon, je stocke pour la semaine aussi ce que j'ai besoin en matière de farine, de graines et de choses comme ça. Il y en a un petit peu dans la boulangerie, puis un petit peu dans le fourgon. Et puis, sinon, j'ai un autre endroit où je stocke pour un petit peu plus que pour une semaine. Et voilà, où je vais faire mon ravitaillement une fois par semaine. Et j'ai aussi une cuve à eau, donc forcément, parce que je ne suis pas relié au réseau d'eau. Donc la cuve à eau, je la remplis deux fois par semaine. J'ai des filtres à eau aussi, histoire de limiter les risques de nitrate dans l'eau, de produits chimiques ou de chlore ou de choses comme ça, pour vraiment avoir un pain le plus pur possible. Et donc, je travaille avec des farines issues de l'agriculture biologique qui viennent de chez des paysans boulangers d'un petit peu plus loin que chez moi. Voilà, donc c'est, on va dire, vraiment les produits locaux, c'est vraiment 90% des produits que j'utilise. Alors, en fait, il y a à peu près 30 ans de ça, j'ai découvert ce type de pain parce que j'étais objecteur de conscience à côté d'une boulangerie en Savoie qui faisait du bon pain au levain comme ça, au feu de bois. Et j'étais assez copain avec les boulangers. Et puis, donc ça m'est resté dans la tête, voilà, toutes ces années. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré une gentille grand-mère dans l'Isère, là, qui m'a appris à faire le pain comme elle le fait. Donc, avec du levain naturel, bien sûr, mais elle mettait un petit peu de levure aussi. Alors, ça ne me plaisait pas trop, ça. Donc, j'ai adapté un petit peu sa façon de faire. Je me suis mis à faire le pain pour moi. À ce moment-là, j'avais un boulot, je partais en déplacement et donc je faisais le pain le week-end et je me sentais bien à avoir les mains dans la pâte et à cuire mon pain et à partir avec mon pain, mon bon pain, toute la semaine, quoi. Et puis, j'ai eu envie de me reconvertir, donc une fois de plus, parce que j'ai fait quand même pas mal de boulots différents dans ma vie. Donc j'ai imaginé, pourquoi pas faire du pain pour d'autres aussi, enfin ce bon pain-là, quoi, qui est vraiment un aliment qui nourrit, quoi. C'est pas juste quelque chose de bon et d'agréable dans la bouche, c'est vraiment quelque chose qui nourrit, quoi. Et donc j'ai imaginé ça, et voilà. Donc j'ai imaginé de me reconvertir en boulanger bio. Et puis un jour, on faisait du covoiturage avec un collègue, et sur la route, il me dit: mais pourquoi toi qui as un peu la bougeotte, pourquoi est-ce que tu ferais pas une boulangerie dans un camion? Et alors j'ai commencé par le trouver que son idée était assez ridicule, et puis finalement, en discutant et en réfléchissant, j'ai imaginé que ça pouvait être possible. Et voilà, j'ai passé pas mal de nuits à réfléchir au projet, à dessiner des plans, à réfléchir à tout ce que j'aurais besoin pour faire ça, à tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'ai mis à peu près 2 ans pour réaliser ce projet. Voilà. Et est-ce que dans la phase de création du projet, tu as reçu de l'aide, par exemple de structures d'aide à la création d'activités dans l'économie sociale et solidaire ? Alors en fait, j'ai reçu aucune aide pour monter ce projet. Parce que, bien sûr, pour monter ce projet, il me fallait un peu des sous, même si ce n'est pas un projet qui coûte énormément cher. Hein. Donc j'ai commencé par aller voir des banques. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis les banques m'ont parlé d'une association qui s'appelle Initiative Bièvre Valoir, qui est une branche de Initiative France. Et en gros, j'ai vite compris que c'était incontournable de passer par eux, quoi. Donc je suis allé les voir, ils m'ont proposé une aide, un prêt de 7000 euros à 0%. Il fallait monter un dossier, donc j'ai monté le dossier et puis finalement je suis passé devant une commission et la commission a refusé mon projet. Alors j'ai pensé que mon projet leur plaisait pas parce qu'il semblait peut-être trop atypique. Et c'est vrai qu'ils m'avaient posé plein de questions, ils m'avaient demandé des détails. Enfin bref, finalement, ils m'ont refusé leur aide. Et ensuite, je me suis vite rendu compte aussi que du coup, ils m'avaient décrédibilisé parce que les banques ne voulaient plus de moi derrière. Donc heureusement que j'avais dans mon entourage proche des gens qui me connaissent, qui ont été très sympas avec moi et qui avaient surtout parce qu'ils avaient très confiance en moi, qui m'ont aidé pour monter ce projet. Voilà. C'est une poignée de personnes, mais heureusement qu'ils étaient là. Et puis j'ai aussi fait, au bout d'un moment, un petit financement participatif en plus, voilà, qui m'a aidé aussi pour la création de ce projet. Et justement, ce projet est un peu atypique, justement parce que c'est une boulangerie qui est itinérante. Donc, qu'est-ce que tu dirais sont les avantages et les inconvénients de l'itinérance ? Les avantages de l'itinérance, c'est... Alors, tout au départ, je me suis dit, si je vais m'installer dans un petit village, j'aurai peut-être pas assez de clients pour faire tourner la boulangerie. Si je vais m'installer dans un plus gros village, il y aura peut-être déjà des boulangeries. C'est dommage de se mettre en concurrence directe. Donc finalement, l'itinérance, ça me permettait de me dire, je vais vers des petits villages quand même. Le fait d'être pas tous les jours dans le même village, ça permet de toucher les différents jours où je fabrique une clientèle différente. Et après, dans les inconvénients, il y a le fait que ça me demande beaucoup de travail que j'aurais pas eu forcément si j'avais été une boulangerie fixe. Parce que j'imagine qu'un gars qui a une boulangerie fixe, quand il a fini sa fabrication ou sa vente, il va passer un coup de balai, il va nettoyer, puis il rentre chez lui. Ou alors il revient nettoyer le lendemain. Alors que moi, il faut quand même que je sangle tous les meubles, que la boulangerie, je l'avais calée, je l'avais mis bien à plat avant. Il faut que je la remette en position de route, tout sangler les meubles pour pas que ça bouge. Atteler le fourgon, déplacer la boulangerie, remplir la cuve à eau. Voilà, tout ça, c'est du boulot qui me prend quand même pas mal de temps, qu'il faut faire et qui fait pas rentrer de l'argent directement, quoi. Et du coup, tu vas dans différentes communes. Comment tu qualifierais l'accueil que tu as reçu dans les communes où tu t'installes ? Oui, je vais dans différentes communes. Quand j'ai imaginé ce projet, je suis allé taper aux portes des mairies pour leur parler de ce que je voulais faire. Alors là, j'ai été plutôt bien reçu. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y aurait plutôt plus de demandes qu'autre chose. Alors, je ne peux pas aller partout, c'est pas possible. Donc j'ai commencé sur 4 communes et puis finalement, maintenant, je suis plus que sur 3 qui sont plus proches de chez moi. Et à part les mairies... il y a eu une curiosité de la part des habitants, alors pas tous, qui dans un premier temps sont venus me voir, et puis après un petit peu moins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous restés, après on ne peut pas faire l'unanimité, et en fait depuis j'ai constaté que ce que je propose, il y a vraiment une demande pour ça, il y a vraiment des gens qui sont devenus des clients réguliers, qui sont contents de ce que je fais, je prends plein de compliments chaque jour et c'est vraiment agréable. Et puis après, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y a des gens qui restent sur leurs habitudes. Mais globalement, je ne me plains pas du tout de l'accueil, c'est plutôt agréable. Oui, alors c'est vrai que ça s'est passé différemment suivant les mairies. Il y en a tout de suite qui m'ont dit on va faire une convention, donc elles ont voulu faire des contrats qui étaient plus ou moins bien, quoi. Il y en a qui ne voulaient absolument pas faire de convention, c'était comme ça, je m'installais et puis il n'y avait pas de problème. Il y en a où c'était très facile et aucun problème pour si j'avais besoin de prendre de l'électricité ou si j'avais besoin de prendre de l'eau. Il y a effectivement une des communes tout de suite qui m'a dit il va falloir payer un emplacement, c'est comme ça, c'est la loi. Enfin bon, très, très carré, très... Alors que les autres, les autres communes, non, elles m'ont jamais demandé de payer. Puis pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà, ça leur convient, quoi. Après, par la suite, je continue sur le, ouais, par la suite en fait. Moi, mon idée, c'était effectivement de faire vivre les villages. Hein. Donc, je me suis retrouvé pendant 2 ans où j'étais tout seul, voilà, soit sur la place du village, soit un endroit où on s'était mis d'accord pour que je m'installe, qui était plus ou moins bien. Il y a notamment un village où j'ai changé 3 fois de place. Et finalement, là, maintenant, c'est bien. Et c'est même une grande place maintenant où il y a la possibilité que d'autres commerçants et artisans viennent se mettre. Et donc, mon idée, c'était de faire vivre un petit peu les villages, donc que je ne sois pas tout seul, quoi. Donc, pendant 2 ans, je suis quand même resté tout seul. Et puis, c'est vrai qu'avec le Covid, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains marchés qui ont été arrêtés dans des villages ou dans des villes. Et que du coup, ayant perdu leur place, il y a des commerçants ou des artisans qui se sont retrouvés sans travail, sans la possibilité de travailler, et qui sont venus me voir ou qui sont allés voir les communes en disant est-ce qu'il y aurait moyen qu'on s'installe à côté de la boulangerie itinérante. Et en fait, en assez peu de temps, bon, ça continue de se développer, mais je veux dire, au début, en assez peu de temps, finalement, il y a quand même pas mal d'autres commerçants qui sont venus. Et maintenant, dans les 3 villages où je vais régulièrement, là, eh ben, y a vraiment des petits marchés de villages qui se sont créés avec... Ouais, entre 3 et 8 ou 10 commerçants à chaque fois. Et voilà, et ça devient vraiment intéressant et vraiment chouette. Alors après, c'est ce qui est rigolo, c'est que ça s'est fait vraiment de façon différente d'un village à l'autre. Il y a un village où ça a été... on va dire que la mairie a mis la main dessus et puis s'est chargée elle-même de chercher hein, des commerçants intéressés parce que la mairie était intéressée pour développer un marché... voilà, sur son territoire. Il y a une autre commune où c'est un petit groupe de citoyens vraiment qui ont pris les choses en main et qui avaient eux envie que ça bouge dans leur village, qui ont essayé de faire en sorte que la mairie s'y intéresse. Et donc, globalement, ça s'est bien passé. La mairie... Oui, enfin, on va dire qu'elle a laissé faire, qu'elle a un petit peu aidé comme ça, mais c'est surtout ce petit groupe de citoyens qui s'est chargé de ça. Et puis dans le 3e village, bon, ça traîne un peu plus. C'est vrai que l'idée, ce serait de faire un marché complètement bio. Et bon, pour l'instant, on a un petit peu du mal à trouver des commerçants ou des producteurs que bio dans le coin, finalement. On s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis, il faut arriver à les faire venir. C'est surtout ça, parce qu'eux, ils ont aussi déjà leur circuit de commercialisation. Voilà, donc ça se développe petit à petit. Mais voilà, c'est chouette de voir ça, quoi, quand même. Ouais. On avait parlé aussi de la notion de commerce équitable que tu pratiques dans ta boulangerie. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se traduit ? Oui, alors ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'idée de commerce équitable. Alors ça se traduit de 2 façons dans la boulangerie itinérante. C'est-à-dire que la première chose, c'est que je tiens vraiment absolument à, dans la mesure où je peux le faire, hein, à prendre la farine, le plus gros de la farine chez des paysans boulangers du coin. Et c'est vrai que le prix, c'est pas le meilleur prix du marché. Hein. Pour ce type de farine, si je la prenais dans un moulin industriel, je serais presque à la moitié du prix. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, beaucoup moins cher que le prix que me font ces paysans boulangers. Mais je trouve ça, pour moi, chouette de me dire, je prends un prix, c'est eux qui font les prix. Moi, je discute pas et de me dire je prends cette farine au prix qui leur convient à eux, c'est-à-dire c'est le prix qui leur permet de vivre correctement de leur travail, quoi. Aujourd'hui, on sait que la plupart des agriculteurs ont du mal à vivre de leur travail. Ils sont beaucoup subventionnés par la politique agricole commune. Là, il y a des agriculteurs du coin qui sont en bio, qui font vraiment cet effort de travailler en bio et à qui je peux payer le prix, le vrai prix de leur travail, de la valeur du produit, je trouve ça chouette. Voilà. Donc ça, c'était un des volets du commerce équitable. Et l'autre, c'est de me dire, mon pain, il est... Suivant le pain, parce que je fais plusieurs types de pain, donc suivant le type du pain, il y a peut-être certains pains qui sont un petit peu plus chers que dans les boulangeries classiques. Et de me dire, c'est dommage, moi ça ne me convient pas que ce que je fais ne soit pas accessible à tout le monde. Donc j'ai fait un petit panneau dans la boulangerie en expliquant que s'il y avait des gens qui se sentaient en précarité ou qui ressentaient des difficultés à payer le prix que je demande, et ben moi je veux bien faire un geste aussi pour eux. Et donc il y a tout à fait possibilité de discuter le prix de mon pain s'il y a besoin, quoi. Ouais, y a, et les gens me le disent, hein, c'est pas évident. de dire, voilà, moi je suis en précarité, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un prix sur le pain, quoi. Donc on me le demande relativement peu souvent, mais c'est arrivé deux fois là, dans la dernière année, où voilà, il y en a, ils me l'ont pas dit clairement, mais j'ai bien ressenti à la façon dont ils discutaient le prix que c'était compliqué pour eux, donc j'ai pas insisté, je leur ai fait un prix. Et puis après il y a une autre personne qui m'a dit, ouais, moi je suis vraiment en précarité, et donc voilà, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un prix, et donc pas de problème, j'ai fait un prix. Ouais. Mais c'est vrai que on me le demande pas très souvent, quoi. Mais en tout cas, moi je suis content de l'afficher en me disant, ben voilà, s'il y a des gens qui hésitent, eh ben au moins c'est affiché, c'est clair, et on peut le faire, quoi. J'avais une autre question sur la forme juridique. Donc la boulangerie, c'est une SARL. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce format, et est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres formats pour ce type d'activité ? Actuellement, la boulangerie itinérante, elle a été montée en SARL, sous forme de SARL. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question au moment de sa création, parce que j'avais du mal à trouver une personne qui puisse vraiment me conseiller là-dessus. Hein. Moi, je suis pas juriste, en fait. Et donc, c'était compliqué pour moi. J'hésitais finalement entre être auto-entrepreneur ou bien la monter, voilà, sous forme d'une société classique, quoi. Donc finalement, un peu au dernier moment, j'ai trouvé quelqu'un, un comptable avec qui on a pas mal discuté, qui m'a permis de choisir. Et donc c'est purement économique, mais c'est vrai que l'idée de pouvoir récupérer la TVA, d'une part, sur les investissements. Alors il n'y a pas la boulangerie itinérante, elle m'a coûté à peu près 50 000 euros, c'est pas énorme, mais c'était quand même pas rien de pouvoir récupérer la TVA. Et puis... L'idée, c'était aussi que, avant de créer la boulangerie itinérante, j'étais salarié, j'avais un CDI dans une boîte, et du coup, j'avais le droit au chômage. Et en fait, si je m'étais mis en auto-entrepreneur, j'aurais été au forfait, et donc finalement, le Pôle emploi aurait complété mon revenu en fonction de ce qu'ils estimaient que j'avais gagné, de ce que j'aurais déclaré, alors qu'en SARL, en tant que gérant, eh bien... Je pouvais déclarer zéro revenu et du coup toucher la totalité des indemnités de Pôle emploi pendant deux ans. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Après, un peu plus tard, quand j'ai vu la somme de travail que ça représente de faire fonctionner la boulangerie itinérante, et puis l'intérêt que ça suscitait auprès de certaines personnes qui habitent dans ces villages, je me suis dit, mais en fait, ça aurait été sympa de monter ça sous forme associative, c'est-à-dire d'intégrer vraiment des personnes qui ont envie à la fabrication du pain, c'est-à-dire finalement leur donner la possibilité de fabriquer eux-mêmes le pain dans les villages. Donc moi, j'aurais peut-être été le chef d'orchestre de tout ça, j'aurais déplacé la boulangerie, j'aurais appris à ceux qui étaient intéressés à faire le pain, et puis ensuite, je leur aurais laissé l'outil où ils auraient pu venir à deux à la fois, par exemple, se relayer dans la journée, pourquoi pas, à la fois pour la fabrication, les différentes phases de la fabrication, puis la vente. Et puis que ça permette, pourquoi pas aux adhérents de l'association, non seulement de faire eux-mêmes le pain avec les bons produits, mais aussi de l'avoir à un prix qui soit intéressant en tant qu'adhérent de l'association. Voilà. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas comme ça, mais pourquoi pas, peut-être un jour. Et est-ce que tu peux nous parler de ton modèle économique et comment tu t'en sors actuellement économiquement ? Ouais. Alors donc la boulangerie itinérante, c'est la troisième année qu'elle fonctionne, comme j'ai dit un peu avant. Et alors les deux premières années, ce qu'il y avait de bien pour la trésorerie de la boulangerie itinérante, c'est que comme j'étais rémunéré par le Pôle emploi, et ben, ça m'a permis de mettre de côté un petit peu de trésorerie. Donc là, la troisième année, je suis content parce que justement, la boulangerie itinérante, elle n'est pas à la ramasse, elle n'est pas à la rue. Par contre, ça fait maintenant quelques mois que je me paye un revenu. Alors, j'ai un petit peu du mal à avoir une vision à long terme de comment ça peut... De comment ça peut évoluer, c'est-à-dire que se payer un salaire tous les mois avec les cotisations sociales qui vont avec, et ben, ça fait des frais que j'avais pas avant. Donc je sais pas trop dire si c'est vraiment pérenne tout ça. Donc dans le doute, en fait, pour l'instant, je me paye pas beaucoup, en fait, hein. Je me paye 1000 euros par mois pour à peu près 70 à 75 heures de boulot par semaine. Mais une fois de plus, hein, pour moi, l'idée, c'est pas du tout de gagner de l'argent. En fait, moi, j'ai pas envie de gagner de l'argent. J'ai envie de gagner ma croûte, de vivre dans ces villages, d'être heureux et puis de faire ce qui me plaît, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de gagner beaucoup d'argent et je pense au contraire. Alors là je sors un petit peu du sujet, mais ce que j'aimerais, c'est que justement, plutôt que dans la société dans laquelle on vit, chacun ait envie de revaloriser son salaire et de gagner plus, ce soit qu'à l'inverse, chacun ait envie de baisser son salaire et de gagner moins, et puis de rester un petit peu plus près de chez soi, de polluer un peu moins, enfin d'avoir finalement un pouvoir d'achat qui soit moins important, de manière à préserver un petit peu plus notre planète, parce qu'aujourd'hui on sait très bien quand même que ceux qui ont le plus de moyens, bah, c'est eux qui polluent le plus aussi, quoi. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler des perspectives d'évolution? Comment tu vois ton activité dans les années à venir? Alors, comment je vois mon activité dans les années à venir? Eh ben, en fait, je me suis posé beaucoup de questions, justement, depuis le début de la boulangerie itinérante. Comment faire évoluer le projet pour que ce soit vivable? Mais ce n'est pas que vivable financièrement. Bien sûr, il faut que le projet s'autofinance déjà, ça, c'est... et me permette à moi de vivre, quoi. Mais il faut aussi que ce soit vivable. C'est plutôt ça qui m'intéresse, dans le sens que ce ne soit pas une corvée, quoi. Parce que, bah, comme je l'ai dit, ça me prend quand même beaucoup de temps. C'est-à-dire que... ça me laisse bah, pas beaucoup de temps pour la vie sociale, pour la vie familiale. Et puis souvent quand j'ai fini ma journée ou ma semaine, je suis crevé, quoi. Hein, donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pas tellement gagner de l'argent, mais plutôt gagner du temps, en fait. Voilà. Et pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à voir comment je pourrais réduire le temps de travail pour que ce soit plus vivable pour moi. Alors c'est vrai que le côté associatif, ça demande réflexion, hein, comment mettre ça en place, comment ça peut fonctionner, est-ce que ça peut être rentable aussi, parce que du coup ce serait un modèle économique un peu différent. Mais c'est-à-dire finalement proposer à d'autres personnes de s'investir dans le projet, ce qui pourrait me libérer du temps. Voilà, ça pourrait être peut-être vers ça qu'il faudrait que je me penche. Et sinon, sinon l'idée, c'est que c'est vrai que chaque année j'aime bien me dire... Il y a un petit truc que je vais ajouter de différent. Et cette année, je m'étais dit, déjà pour cette année, je m'étais dit que plutôt que de faire que mes tournées, c'est-à-dire voir que les mêmes villages et voir que les mêmes personnes, c'était m'ouvrir la possibilité de participer à quelques événements ponctuels, ciblés, hein, bien sûr. Comme j'ai fait par exemple il y a 15 jours donc dans le bourg du coin qui s'appelle la Côte Saint-André, où j'ai participé à un événement qui s'appelle Latitude Green, et en fait qui est un petit festival éco-citoyen. Voilà, je trouve que c'est intéressant de participer aussi, de sortir un peu de chez soi et puis de participer aussi un petit peu à des trucs comme ça, rencontrer d'autres personnes, discuter, et voilà, c'est chouette, quoi. Il y avait le forum des ruralités engagées aussi, auquel ça m'intéressait de participer un petit peu pour les mêmes raisons, en fait. Voilà. Si, ce que je peux dire quand même, c'est qu'en fait, mon projet à la base, il voulait vraiment le plus écologique possible et le plus bio. Alors bio, je suis labellisé en agriculture biologique AB, quoi. Je suis labellisé AB et j'y tiens quelque part, même si le modèle n'est pas parfait. Hein. C'est vrai que AB, le label AB, c'est à la fois pour moi le soutien à l'agriculture biologique, c'est ce que je souhaite. Je souhaite ne pas être mis dans la même case que l'agriculture chimique. Voilà, maintenant le revers de la médaille, c'est que le label AB, c'est quand même un label maintenant, enfin européen, et le cahier des charges est de plus en plus, de moins en moins dur, et du coup je me retrouve quand même dans la même case que des commerces comme Carrefour qui vendent du bio sous cellophane qui vient de d'Espagne par exemple, cultivé dans des serres chauffées au gasoil et voilà, et où les gens qui travaillent sont exploités, quoi. Nous espérons que ce témoignage vous a plu, qu'il vous a inspiré, questionné ou qu'il vous a donné envie de vous engager. Pour aller plus loin et mieux connaître la boulangerie itinérante, nous vous glissons plus d'infos en description de l'épisode. Cet épisode a été réalisé pour le Forum des ruralités engagées par La Traverse. Le micro a été tendu par Alexia Beaujeu. Nous remercions également tous les partenaires du forum sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir, même dans ces conditions particulières.